Nivigira. Et met tout ça, Mitebouti assure la mise en onde. Merci pour votre fidélité. Bienvenue à cette édition de la mi-journée de ce 17 février 2021. En voici d'abord l'essentiel. Interdiction depuis ce mardi de transformer les maisons à caractère résidentiel à usage commercial. C'est ce qu'ordonne le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Des précisions et motivations avec le ministre Gervé Ndila Kobucha, c'est dès le début de cette édition. Le même ministère vient de rejeter les résultats issus des élections des organes dirigeants de la communauté islamique du Burundi. Une décision qui surprend la Comibou, vous l'entendrez. À Kirundo, l'on rapporte une maladie qui attaque les bananes dans presque toutes les communes de cette province. Vous aurez également droit à la rubrique « Parler à sur moi ». Et aujourd'hui, on va vous parler des discours fanfarons. Voilà pour l'essentiel. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Bonjour. Les commerçants qui ont transformé leur maison de résidence en usage commercial doivent déménager vers les marchés et ce depuis le 1er mars 2021. Cela a été annoncé ce mardi par le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique lors d'une réunion avec les gouverneurs des provinces. Gervé Ndila Kobucha fait savoir que cette décision a été prise dans le but d'augmenter les recettes du trésor public. Suivez le ministre Gervé Ndila Kobucha, traduit en français par Armel Motore. Ceux qui transforment les maisons résidentielles en maisons à usage commercial doivent avoir déménagé leurs marchandises vers différents marchés de la mairie de Bujumbura avant la date butoir du 1er mars 2021. Tenez bien, à titre illustratif, ce genre de commerce se remarque de la 8e jusqu'à la 10e avenue dans la zone urbaine de Bwiza. Ces commerçants doivent s'associer aux autres qui travaillent dans les marchés reconnus comme tels. Vous devez comprendre que le gouvernement doit prioritairement collecter des recettes pour l'intérêt du public. On ne peut pas privilégier l'intérêt d'un petit groupe de personnes au détriment de la population en général. Vous réclamez toujours l'augmentation de vos salaires. Et cela n'est pas possible à moins que nous ayons des moyens suffisants. Raison pour laquelle nous devons fournir beaucoup d'efforts pour augmenter les recettes du trésor public. C'est pourquoi nous donnons cet ultimatum pour que tous les concernés puissent se mettre dans l'ordre et apprêter également leur comptabilité pour d'éventuels contrôles. Et la transformation des maisons à caractère résidentiel à usage commercial est donc interdite depuis le 1er mars et non depuis ce mardi, comme je le disais tout à l'heure. Le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique a rejeté la prise d'acte des résultats de la récente Assemblée générale élective, mettant en place de nouveaux organes de la communauté islamique du Burundi, Comibou. Le ministère indique que les préparations et l'organisation étaient exclusives des autres membres qui avaient droit de participer et de se faire élire. Le ministre de l'Intérieur a recommandé les organes intérimaires de la Comibou d'organiser urgentement une autre assemblée générale inclusive. Les précisions avec Moïse Misako. Dans cette correspondance datant du 15 courant, adressée au représentant légal ad intérim de la communauté islamique du Burundi Comibou, le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique fait remarquer que les résultats de l'Assemblée générale ne font pas l'unanimité au sein de la Comibou suite à la plainte de certains membres de cette communauté qui ont été interdits de se faire élire. Le ministère ayant l'intérieur dans ses attributions évoque des doutes qui ont été soulevés par le Conseil supérieur des chaires sur le processus de préparation de l'Assemblée générale qui risquait d'exclure une partie des électeurs. Une copie de ces derniers avait été transmise aux concernés tout en estimant que ces observations allaient être prises en compte lors de l'Assemblée générale pour inclure tout le monde dans le processus de désignation des organes de la Comibou en laissant tous les candidats à se faire élire et à concourir en toute liberté. Dans cette correspondance de 2 pages, le ministre Gervé Ndila Kobucha invite les organes intérimaires de la Comibou à organiser dans l'urgence une nouvelle assemblée générale qui n'exclurait personne afin d'élire les nouveaux organes consensuels qui prendront la relève des organes intérimaires pour développer la Comibou et non la diviser, précise la correspondance. Cette dernière propose que cette assemblée générale se tienne entre le 19 et 24 courant afin d'éviter un vide de leadership au sein de la Comibo. Le ministre exhorte les organes actuels de la Comibo d'entrer en contact avec les autorités administratives et policières de la mairie de Bujumbura pour un meilleur encadrement et la sécurisation des lieux où se tiendra cette assemblée. Le délai de 6 mois des organes intérimaires prendra fin le 26 de ce mois de février 2021. Maïse Misago, c'est une décision qui fait que la communauté islamique du Burundi, Comibo, tombe des nues. Le Ibrahim Doussabé, qui était élu porte-parole de la Comibo lors des récentes élections, souligne que ces élections ont été conformes à la loi, mais que la Comibo va de nouveau organiser des élections comme le recommande le ministère et à l'intérieur dans ses attributions. Suivez plutôt Ibrahim Doussabé, joint au téléphone par Moïse Misako. Nous avons été très surpris parce que tout le monde était unanime que les élections ont été tenues en bonne et due forme. Le ministre avait autorisé la tenue de cette assemblée générale et avait reçu bien sûr une lettre de 9 sur les 12 qui font le conseil de chefs. D'ailleurs, le conseil de chefs, je dois souligner que c'est un parmi les 11 organes de l'assemblée générale de la communauté islamique du Burundi. Et le ministre avait eu le temps de lire leur correspondance qui lui avait été adressée en date du 3 et il avait toutes la latitude de prendre la décision avant la tenue de l'Assemblée générale. Donc, nous sommes très surpris et nous avons vraiment été choqués parce que le quorum était atteint, mais comme le ministre a déjà pris une décision, nous sommes des citoyens, nous obéissons à la législation, nous sommes engagés à aller encore une fois dans ce processus. Nous exigeons la transparence et l'inclusivité. J'aimerais solliciter auprès du gouvernement du Burundi, et le gouvernement responsable qui se soucie du bien-être de tous les Burundais et de leur dignité, de suivre de près ce processus qui, comme vous le voyez, soulève déjà quelques malentendus, afin que la reprise donc de l'Assemblée générale se passe dans la sérénité, dans le calme et dans l'inclusivité. Ibrahim Doussabé, il a été élu porte-parole de la communauté islamique du Burundi, Comibo, qui se dit surpris par la maison du ministère de l'Intérieur. Et à partir du 1er mars 2021, l'ONG Médecins Sans Frontières, MSF, fera le transfert de services et compétences à l'hôpital des Princes Régent Charles, à mairie de Bujumbura, Dr Hippolyte Mboma, coordinateur projet de MSF, fait savoir que ce transfert intervient dans le but d'appuyer cet hôpital et que ce partenariat prendra fin le 31 décembre 2021. Il ajoute que les mêmes services seront offerts à part la restauration et l'octroi des gardes malades pour les patients suivis. MSF va commencer un appui dans la prise en charge des cas de traumatisme modéré et grave au niveau de l'hôpital Prince Jean Charles à partir du 1er mars 2021. Il y a une bonne organisation parce qu'on s'était préparé par rapport à ça. Donc pour le moment, l'étape actuelle, nous sommes déjà dans la phase de réhabilitation des infrastructures. Donc il y a des salles où nous sommes en train de réhabiliter et puis il y a aussi la préparation des formations qu'on va donner à l'équipe pour permettre le transfert de compétences. Nous allons prendre tout le matériel que nous avions ici. Nous allons les amener au niveau de l'hôpital Prince Régent Charles. Il y a des matériels qu'on ne va pas amener là-bas, mais qu'on va donner aussi dans d'autres projets. Soit par manque de l'espace, soit aussi, ce sont des matériels qu'on ne peut pas utiliser là-bas par manque de trouver des pièces de rechange après notre départ. Donc là, ça ne sert à rien de donner un matériel qui ne sera plus utilisé après notre départ. Donc depuis 2019, nous avons fait le transfert de compétences dans 2 centres de santé de la ville de Bujumbura et dans 2 hôpitaux de district. Ce transfert de compétences va aller maintenant vers l'hôpital Prince Jean, donc du 1er mars 2021 jusqu'au 31 décembre 2021. Est-ce que tous les services offerts ici seront également offerts à l'hôpital Prince Jean Charles? La seule différence, c'est par rapport aux ressources que nous avons trouvées là-bas, mais qui n'ont pas la même compétence dans la prise en charge des cas de traumatisme, comme nous l'avons ici au niveau de l'Arche. Ça, ce sont les différences, mais les services, ce sont les mêmes services. C'est pourquoi j'ai dit, nous allons prendre tout ce que nous avons ici, on va les amener maintenant vers l'hôpital Prince-Jean. La restauration, même dans les premiers transferts de compétences que nous avons fait vers les 2 centres de santé, même vers les CHIC, on n'a pas apporté ça, parce que ça demande un coût. Les hôpitaux ne pourront pas faire ça, et puis l'après nous, ça risque encore de créer des problèmes. C'est pourquoi on préfère ne pas amener la restauration. Vous n'avez pas Isanganilo? Vous ratez l'essentiel. l'essentiel que vous êtes en train de suivre via le www.isanganiro.org. Éducation à présent à 13h07. Le manque de loi régissant le programme des études universitaires à l'Institut universitaire des sciences de la santé et de développement communautaire est un défi majeur dans l'octroi des diplômes à cette institution universitaire. Professeur Anastasie Gassogo, directeur général de l'enseignement supérieur au ministère de l'Éducation, appelle plutôt la représentation de cet institut à collaborer avec le ministère de tutelle pour trouver solution à ce problème. Suivez-le. L'Institut universitaire des sciences de la santé et développement communautaire a une série de problèmes. Le premier problème, c'est qu'ils ont, pour le moment, je crois, une formation en baccalauréat pour trois filières, si je ne me trompe, sciences et techniques paramédicales, sages-femmes et santé publique. Ces mêmes filières sont organisées dans le supérieur professionnel. Alors, le problème, c'est que pour le baccalauréat, il semble qu'ils ont eu l'autorisation de fonctionner, d'ouvrir les filières. Ils ont même fait valider les programmes, mais ils n'ont pas eu l'ordonnance d'agrément qui leur permet de délivrer le diplôme de baccalauréat. Alors, à ce niveau-là, je pense qu'il y a un manque de suivi de leur part, parce que moi, je ne vais pas courir derrière le cabinet pour vérifier si l'ordonnance a été signée ou pas. C'est à eux de faire le suivi, au niveau de la CNES et au niveau du cabinet. Pour les filières organisées dans le supérieur professionnel, ils ont commencé sans autorisation, ils n'ont pas encore régularisé cette situation. Du coup, les documents qu'ils délivrent ne peuvent pas être certifiés, parce que non autorisés. Je pense qu'il faudrait demander pardon, accepter l'humilité pour qu'on puisse régulariser cette autorisation d'ouverture et ensuite pour qu'ils puissent faire valider ces programmes de supérieur professionnel et ainsi pouvoir délivrer les documents académiques qu'il faut. Le troisième problème, c'est qu'ils ont des étudiants qui ont évolué dans l'ancien système, malgré la promulgation de la loi de 2011 qui mettait en place le système BMD. Ils ont continué. Aujourd'hui, en 2020, on voit des documents qui montrent que les étudiants défendent leur mémoire de licence en 2020, alors qu'il y a une ordonnance qui clôture ce système-là et qui a été signée le 30 mai 2018. On leur a donné une année académique pour clôturer l'ancien système. Mais malgré ça, on voit cela. Et aujourd'hui, on voit des documents avec défense de mémoire, avril 2020, mai 2020. Ça, on ne peut pas cautionner ça. C'est impossible. Et concernant l'Université de Mwaro, qui ne délivre plus de diplôme à ses lauréats suite à l'endettement, elle dit que le ministère n'a pas de moyens suffisants pour appuyer les universités privées. Encore une fois, Anastasie Gassogo, directrice générale de l'enseignement supérieur au ministère de l'Éducation. La gestion financière des institutions privées ne relève pas du ministère. Ils sont privés. Donc, ils doivent montrer qu'ils sont capables de faire rouler, de faire fonctionner l'institution pour laquelle ils ont été autorisés. S'ils ont des dettes, ils n'ont qu'à le déclarer. Et ce n'est pas le ministère qui va payer les enseignants ou qui va payer l'hôpital. C'est l'institution qui s'est engagée avec l'hôpital. Alors, ce sont des problèmes-là qui handicapent, évidemment, le bon déroulement des activités académiques. Je pense que les institutions doivent faire attention. L'université, ce n'est pas quelque chose de simple à faire fonctionner. Ils font bien se préparer et agir en conséquence. Il faut qu'ils cherchent les moyens pour payer les dettes et libérer les enfants qui ont fait confiance à l'institution. Comment voulez-vous qu'on réagisse? On va évaluer. Si les étudiants s'adressent officiellement au ministère en posant le problème comme il faut, on va effectuer une visite d'évaluation et on fera suite à la doléance. Mais assise dans mon bureau, je ne peux pas donner une solution à ce problème-là. Quittons les bureaux du ministère de l'Éducation pour nous rendre à Kirundo où des bananes sont attaquées par la maladie appelée BXW. Dans presque toutes les communes, Leonidas Biyadimana, directeur du bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage, demande à la population de déraciner toutes les bananes déjà atteintes ainsi que celles qui sont approximativement proches. Pour éviter sa propagation, il invite également l'administration à aider les techniciens dans la sensibilisation de la population à Boran Safari. Cette maladie appelée BXW qui ravage les bananes est prévisible sur 40 collines des communes de la province de Kirundo, comme nous l'ont fait savoir le directeur provincial ayant l'agriculture dans ses attributions. La population affirme que ce virus se propage très rapidement. Ce pied n'a pas encore été trouvé. En commune d'Obgambrangwe, un agriculteur qui pratique l'agriculture moderne nous signale qu'il a éradiqué le champ d'au moins 2 hectares de bananes pour diminuer la propagation transmission du virus. D'autres en commune de Busoni, précisément sur les collines de Ruyaga et Mugobe, nous ont fait savoir qu'ils risqueront la famine, surtout qu'ils venaient de connaître une situation des criquets puants qui ont ravagé les champs de culture ainsi que la pluie abondante. Ils demandent à cet effet les responsables de l'agriculture de leur fournir le médicament à ce virus. Le directeur du bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage, Rivouziman Leonidas, signale que jusqu'ici, il n'y a aucun médicament approprié à ce virus. Il demande plutôt à la population ayant des champs déjà attaqués d'éradiquer ces bananes ainsi que celles se trouvant approximativement proches. Les outils utilisés comme les houes et les machettes doivent être mis sur le feu pour tuer ce virus. Il demande également aux administratifs de travailler en synergie avec les techniciens de l'agriculture pour sensibiliser la population afin de lutter contre la propagation de cette maladie. Quant aux symptômes, continue ce responsable, les feuilles jaunissent, le régime de banane également, alors qu'il n'est pas réellement mûr, et le tronc a une sève blanche très puante. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Parle, rassure-moi. Pour vous rassurer, on va parler des discours fanfarons qui sont caractérisés par la vanité de certaines personnes. Par rapport aux autres, Raymond Blaise Habonimana, spécialiste en paix et conflit, signale que l'utilisation et la propagation de ces messages provoquent des tensions entre les groupes antagonistes et voire même des violences de masse si rien n'est fait pour les contrecarrer. Selon lui, les décideurs ont le rôle majeur dans la lutte contre tout message ayant pour but de diviser la population. On est la moche. Les discours fanfarons sont souvent utilisés dans le but d'impressionner. Raymond Blaise Haonimana, spécialiste en paix et conflit, ajoute que c'est pour aussi recruter les nouveaux adhérents dans leur groupe ou parti politique. Il faut d'abord souligner que tout discours a le but de persuader et généralement pour gagner, disons, l'adhésion des personnes, des membres de sa communauté ou bien d'un pays X. Alors, ces discours fanfarons, le but, c'est montrer qu'une telle catégorie de personnes, une telle communauté est supérieure à une autre. Et là, le but, généralement, c'est aussi persuader et amener les autres à adhérer aux idéaux, aux idéologies qui sont développées par cette catégorie de personnes. L'utilisation de ces messages provoque les conflits entre les groupes antagonistes qui peuvent même arriver aux violences de masse. Raymond Blaise Habonimana. Ces discours faussent la réalité généralement de ce qui se passe dans une communauté, dans un pays. Et ce qui va se développer, c'est le populisme. Mais aussi, comme on voit qu'il y a une catégorie qui se vante, disons, qui montre qu'elle est supérieure à une autre, là, il y aura une radicalité politique. Il y a des gens qui vont dire, ok, nous assumons que vous êtes supérieurs à nous et nous, on va développer des moyens de résistance. On va essayer de montrer que malgré votre force, nous aussi, nous existons. Et aussi, dans la communauté, il y a la peur. Il y a des gens qui s'isolent. Et là, c'est très dangereux quand les gens ne parlent pas, quand les gens vivent dans la peur. Cette psychose qui se développe amène généralement les gens à trouver des moyens pour résister contre ces discours, cette population, catégorie de la population qui se montre supérieure à l'autre. La dernière conséquence, ce sont ces idéologies qui se développent qui peuvent amener à des violences de masse. Selon toujours lui, c'est le rôle de tout un chacun dans la déconstruction des messages haineux. Il y a différents niveaux pour déconstruire ces discours. C'est d'abord au niveau d'en haut où les autorités politiques, les décideurs politiques doivent appliquer la loi, essayer de montrer et cadrer tous ces discours qui peuvent créer des violences dans la communauté. Et là, au niveau local, ces discours ont une dimension symbolique. Ce qui est important, c'est essayer de développer des dialogues, de montrer à chaque communauté, malgré ses forces, malgré ses faiblesses, que la complémentarité toujours est nécessaire au niveau local, mais aussi renforcer ces discussions, ces dialogues. Et là, c'est le rôle de la société civile, c'est le rôle des églises, c'est là de tout chacun pour déconstruire ces messages, ces discours fanfarons. Il insiste également sur le dialogue comme meilleur remède pour la gestion et résolution des conflits. Merci, on est là mucho. Avant de nous séparer, une petite brève internationale au Rwanda, chez notre voisin du Nord. Une année vient de s'écouler après la mort du chanteur de gospel Kizito Mihigo, retrouvé mort dans sa cellule. Les autorités rwandaises ont conclu à un suicide. Human Rights Watch déplore l'absence d'enquête jusqu'à présent. Ben voilà, c'est la fin de cette édition de la mi-journée. À vous tous qui l'avez suivi, je vous remercie. Merci à Emeto Samitabouti qui l'a mise en onde. Eli Nibel Nibigila, j'étais à sa présentation. Je vous souhaite de passer une excellente après-midi. Au revoir.